affaire, on fait la mala. Pas qu'à jamais, on prend la belle jar. Sur la bouteille de Grey Goose, on se repose au bled dans un matelas. Le quartier crie bled, il y a une d'autre, faut que ça pète un nanny. Mais tu connais nous, j'ai le renté. Tu le dis au lundi. C'est cramé tout sous Sheraton. 13-0-15, c'est pour la matonne. J'y vais le gérant passer, ça évite la tolle, ça veut le pactole. Capino, c'est magique, mon collègue carré vibre comme un alcooli. Je vais ripter le moteur dans le classe. Tu m'aimes pas un boussa pour tout le monde galé. Le guitar, il m'a rendu fou. Il m'appelle Capino, t'es où? Sa copine m'a rendu fou. Prévé le videur, cette année, c'est nous. À me mettre en Angers ou Alger, le secteur, on le fait voyager. Ça se met frais, ça se met rapta. Ça fume la frappe d'Estanger. À me mettre en Angers ou Alger, le secteur, on le fait voyager. Ça se met frais, ça se met rapta. Ça fume la frappe d'Estanger. Il m'appelle en promenade, bois le verre de thé. Me dit Gambi, la machine, la focale, Mathéo. Maman, si t'as, on te charge à 10. Cette année, pas percé, moi, je peux transpercer. Ça y est, andalé, ravitaillé. Le réseau, sur bébé, photo outée. Je leur mets des trous, total rendé. Cette année, j'fais des trucs de fou. J'veux ma crime au sommet. Les jeunes du quartier m'ont dit, rends les fous. Gabi noir, Henshaw, tout le monde le connaît. Elle a le drapeau, elle est un bonbon. De Wallan jusqu'à plus tonton. En cellule, ça fume des ronrons. Dans le bloc, y'a que le bon. Le guitar, il m'a rendu fou. Il m'appelle Gambino, t'es où? Sa copine, elle m'a rendu fou. Prévé le videur, cette année, c'est nous. Elle me met Tanger ou Alger. Le secteur, on le fait voyager. Ça se met frais, ça se met rapta. Ça fume la frappe des Tanger. Elle me met Tanger ou Alger. Le secteur, on le fait voyager. Ça se met frais, ça se met rapta. Ça fume la frappe des Tanger. Ça y est, je me taille de blé. J'suis refait. Ma team au sommet. Sur pépé. Proche choqué. J'vais tout péter. Préviens-les. Ça y est, je me taille de